بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، لونج الله سبحانه وتعالى qui nous a comblé de cette assise sur les ondes de la radio. Imam Malik rahimahullah du site Dar Hijra Al-Ilmiya, en cette nuit du 5 juin qui correspond à la nuit du 15 Shawwal 1441, et nous nous retrouvons pour un sujet qui est d'une grande importance. Dans le titre, c'est les délices de la tombe et ses supplices. Et donc, ce sujet fait partie de ces sujets qui sont contenus dans le recueil des Fawa'id. فوائد مجموعة من اللقاءات المفتوحة لندخل نبلو شيخ الشيخ عبيد حفظه الله. قال حفظه الله: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، قالت يا ويلها أين تذهبون بها. إذنك دي حفظه الله تعالى لونجا الله لسفغان دي موند. Prières et salutations sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, tous ses compagnons. Ceci dit, dans le hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: le mort, quand le mort est placé sur le plancard et que les hommes le portent sur leurs épaules, le défunt dit: s'il était vertueux, hâtez-vous, hâtez-vous. Et s'il n'était pas vertueux, il dit malheur à lui, malheur à son âme, où vous l'emportez. Ya waylaha, qala habidahullah, ya waylaha, asluha ya wayli, falaltifatu min attakallumi ilal ghayb istiqbahan littakallumi, litiqalihi ala ssami' faghuyilat assigha min attakallum ya wayli ilal ghaybati ya waylaha. Et donc, l'expression du Cheikh Habibullah, ya waylaha, qui veut dire malheur à lui, à l'origine, dans le hadith, ça doit être malheur à moi. Le fait de changer du pronom de la première personne au pronom de la troisième personne, parce que c'est lourd et c'est très mauvais pour celui qui l'entend. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce changement dans l'expression. يقول حفظه الله وهذا الحديث مما أطلع الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحوال البرزخ، والبرزخ أول مراحل الآخرة وأول ما يلقاه المسلم من قيامته، فاليوم الآخر يبدأ من الاحتضار من النزع، وهو ذلك الوقت الذي ليس فيه توبة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل التوبة توبة العبد ما لم يغرغر. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني رحمة الله عليه في صحيح الترمذي من حديث عبد الله بن عمر. donc ce hadith fait partie des choses de l'invisible qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait savoir à son prophète alayhi salatu wassalam, des choses qui concernent al-barzakh, qui est la première étape de l'au-delà, et c'est la première chose qu'on rencontrera l'individu de sa résurrection. Le dernier jour pour l'individu, et c'est le dernier jour pour l'individu, hein? Et le dernier jour pour l'individu commence au moment de la sortie de l'âme de celui-ci. C'est le moment où il n'y a plus de repentir pour celui-ci. C'est terminé. C'est le dernier jour pour l'individu. il commence au moment de la sortie de l'âme de celui-ci. Et c'est à ce moment-là où il n'y a plus de repentir pour lui. Le messager a dit, Allah accepte le repentir de quelqu'un tant que l'âme n'est pas arrivée à la gorge. Le hadith, Cheikh Al-Albani rahmatullah alayhi, a jugé que c'est un hadith bon, c'est un hadith hasan dans l'authentique de Tirmidhi. يقول شيخنا حفظه الله والمقصود أن المرأة المسلم في فسحة من أمره كي يتوب من مقارفة السيئات والذنوب والآتام حتى تغرغر روحه وتبلغ الحلقومة فيومئذ انتهى الأمر. Il dit حفظه الله l'être humain musulman est dans une largesse dans sa situation pour se repentir de ses péchés et de ses erreurs jusqu'à ce qu'on âme arrive à sa gorge. À ce moment-là, c'est terminé, il n'y a plus de repentir. يقول حفظه الله وهذا الحديث دليل على نعيم القبر وعذابه وقد اطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على أحوال البرزخ وذلكم للعبرة والموعظة فمن كان على هدى وتقوى وصلاح في الظاهر والباطن اشتاق للنعيم الذي أعده الله لأوليائه دار مقامة لهم وذلك في الجنة. Il dit حفظه الله ce hadith est une preuve qui confirme les délices et les supplices de la tombe. Allah Azza wa Jal a montré à son messager certaines choses du barzakh pour l'exhortation et les leçons. Celui qui est sur une voie vertueuse et qui préserve les droits d'Allah dans son apparence et dans son fort intérieur, cela lui donne l'envie d'avoir et d'arriver à ce qu'Allah a préparé pour ses alliés dans la maison de l'éternité au paradis. Il dit Habidallah, wa fil hadith al-Qudsi, al-Sahih, yaqulu Allah ta'ala, أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. إذ حفظه الله دون الحديث قدسي أوتنتيك. الله أدي دون cette traduction approximative du sens du verset, du sens de ce hadith قدسي qui est la parole d'Allah. J'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ce que aucun œil n'a pu voir et aucune oreille n'a pu entendre des choses que j'ai préparées pour eux. Et les choses que j'ai préparées pour eux n'ont pas effleuré l'esprit d'une personne. Et lisez si vous voulez, aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux. Et ceci, c'est un verset. C'est la traduction approximative d'un verset dans lequel il dit « Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux », c'est-à-dire pour les choses qui vont leur prévaloir, qui vont leur donner le bonheur, qui sont dans l'au-delà, que Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé aux croyants qui se sont soumis à lui, qui ont mis en application ses ordres, qui se sont abstenus de ces interdits. يقول شيخنا حفظه الله فالمؤمن ينظر نظرة تأمل لا ما يسمعه من نصوص الوعد كي يسلك سبيل المؤمنين وينهج نهج المتقين ويعد لما سمعه من النعيم في الوعيد العدة وذلك بفعل أوامر الله وترك نواهيه امتثالا لله سبحانه وتعالى فهو يفعل ما أمر به إيمانا واحتسابا ونية تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وكذلك يترك ما نهي عنه من المعاصي والآثام والسيئات تقربا إلى الله بذلك محتسبا عند الله ما يلقاه من جهاد نفسه الأمارة بالسوء. Il dit حفظه الله, le croyant a une vision pleine d'espoir quand il entend les textes qui contiennent les promesses d'Allah. Et cela le motive à suivre le chemin des croyants et à prendre la voie de ceux qui préservent les droits d'Allah. Il se prépare pour les délices qu'il entend dans les textes qui sont annoncés dans les textes de la révélation, en mettant en application les ordres d'Allah et en s'abstenant de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit, par soumission à Allah, il met en application ce qui lui a été ordonné, parfois en Allah, et en attendant les récompenses d'Allah, et voulant les récompenses d'Allah, et avec l'intention de se rapprocher d'Allah. Et il délaisse ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit, il s'en éloigne pour se rapprocher d'Allah avec cela. Et il attend les récompenses d'Allah pour les efforts qu'il a fait sur son âme, incitatrice au mal. Donc tous ces textes dans lesquels il y a les promesses d'idylisme dans le delà, et les promesses qu'il y a dans le delà, etc., ben ceux-ci, ce sont des textes qui motivent le croyant à mettre en application les ordres d'Allah et à s'abstenir de ce qu'il a interdit. Et à s'éloigner de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Et tout ceci, il le fait, espérant les récompenses d'Allah. Et espérant être épargné du châtiment d'Allah. En faisant des efforts sur son âme incitatrice au mal. Cela veut dire que ceci ne vient pas du vide. Il faut qu'on fasse des efforts sur nous-mêmes. يقول حفظه الله فانظروا يا رعاكم الله في شطري الحديث الشطر الأول في النفس الصالحة في عبد الله المؤمن رجلا كان أو امرأة حينما يحمل على الأعناق يستبطئ الوصول إذا ذلكم النعيم إذ حفظه الله مديتي لدو بارتي دو حديث la première partie concerne l'âme vertueuse du croyant qu'il soit homme ou femme, au moment où on le porte sur les épaules, il a hâte d'arriver à ce délice. Il n'a qu'une envie, si qu'il arrive à ce délice. يقول حفظه الله وهنا سؤال كيف عرف ذلك لأنه حال نزعه رأى مقعده من الجنة وقال له ملك الموت يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانه فيتمنى لقاء الله ولهذا كما سمعتم يقول قدموني قدموني يرى أن حملته تباطأوا في إيصاله إلى ما وعد به من نعيم الله عز وجل donc il dit حفظه الله ici, il y a une question. Comment il a su? Hein? Comment il a su cela? Comment il a su qu'il y a des délices qui l'attendent? Il dit, Habidallah, car au moment où l'âme quittait son corps, il a vu sa place au paradis. Et l'ange de la mort lui a dit, comme il dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, « Ô toi l'âme apaisée, reviens vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Ô toi l'âme apaisée, sors vers le pardon de ton Seigneur et vers son agrément. » Et donc le croyant a envie de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il dit à ceux qui le portent, « Hâtez-vous, hâtez-vous !» Il est pressé d'aller retrouver les délices qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préservés aux croyants. Et il voit que ceux qui le transportent sont longs à le ramener vers les délices qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis. Et donc il dit, hein, qaddimouni, qaddimouni, hâtez-vous, hâtez-vous. Yaqulu habidahullah, wa shatru tani fi ghayri salih. الذي سولت له نفسه ما نهي عنه وركبه ركوب تلدد واستمتاع بالشهوة قارف ما قارف من الذنوب والآثام والكبائر حتى لقي منيته واخترمه هادم اللذات فهو يحب أن يبطأ به لأنه ماذا رأى في النزع. Et il dit la deuxième partie du hadith, concerne celui qui n'est pas vertueux, celui dont l'âme l'a fait tomber dans ce qui lui a été interdit, et qui l'a poussé dans les tentations, et à prendre plaisir dans les tentations, et il a accompli ce qu'il l'a accompli comme péché jusqu'à sa mort, jusqu'à ce que le distracteur du plaisir est venu le saisir, c'est-à-dire la mort. Celui-là n'aime pas que les gens pressent le pas pour le déposer dans la tombe. لأنه ماذا رأى في النزع؟ رأى مقعده من النار كما صحت بذلكم الأحاديث فيكره لقاء الله لأنه ضيع ما أمر به من سلوك مرضات الله ومحبته الموصلة إلى السعادة الأبدية وطاوع نفسه الأمارة بالسوء وأطلق لها عنانها تطوف به يمينا وشمالا فصدق عليه الشيطان ظنه فأصبح من الغاوين. Il dit, حفظه الله, pourquoi lui il veut pas que les gens soient pressés pour le déposer dans sa tombe? Pourquoi? Notre noble cher dit, car il a vu sa place en enfer au moment où l'âme allait sortir de son corps. Il a vu sa place en enfer comme cela est stipulé dans les hadiths authentiques. Et donc, il déteste la rencontre d'Allah, car il a négligé ce qu'Allah lui a ordonné. Il a négligé la voie qu'Allah a agréée. Il a négligé la voie qui mène vers l'amour d'Allah. Il a négligé la voie qui mène vers le bonheur éternel. Il n'a pas pris cette voie-là. Il s'est laissé dominer par l'âme, incitatrice au mal, et a laissé à son âme le traîner à droite, à gauche. Shaitan s'est accaparé de lui. Hein? Il a fait partie de ceux des égarés. Il s'est englouti dans l'égarement et dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il veut pas. Il dit, hein? Malheur à moi, où est-ce que vous m'emmenez? يقول حفظه الله ومتع به ونعيم القبر وعذابه مما دل عليه الكتاب والسنة المتواترة وأجمع عليه أئمة العلم والإيمان والدين. قال تعالى في قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يندخل ابن الشيخ دي Les délices et les supplices de la tombe sont prouvés par le livre et la sunna notoire, et il y a l'unanimité des imams de la science et de la religion et de la foi sur ce point. L'unanimité est accomplie sur le fait qu'il y a les délices et les supplices de la tombe. Et il dit dans le verset concernant Pharaon et son peuple, dans la traduction approximative du sens du verset, le feu auquel sont exposés Al-Fir'aun, le peuple de Fir'aun, c'est-à-dire dans lequel ils sont châtiés. Le feu auquel sont exposés le peuple de Fir'aun, matin et soir, et le jour de la résurrection, il sera dit, faites rentrer Fir'aun et son peuple au plus dur des châtiments. Donc ils subissent le châtiment et les supplices de la tombe avant, et le jour de la résurrection leur est donné pour qu'ils aillent directement au feu de l'enfer. Donc, les délices de la tombe et les supplices de la tombe, c'est une réalité. يقول شيخنا حفظه الله ومتع به وتواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن العبد ينعم في قبره ويعذب ويقدم الله قبل أن يذوق هذا النعيم أسئلة الملكين: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فمن كان من أهل السعادة والصلاح والتقى ثبته الله وألهمه حجته فيقول ربي الله، ما دينك؟ ديني الإسلام. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال كيف عرفت ذلك؟ فيقول قرأت القرآن فآمنت بذلك وصدقت. فيقال له نم سعيدا، لقد عشت سعيدا وستبعث إن شاء الله سعيدا. فيبقى يتلدد بنعيم الجنة حتى يلقى ربه. الجزاء من جنس العمل. Il dit Habibullah Ta'ala, et il est rapporté de façon notoire de notre prophète alayhi salam, que le serviteur dans la tombe, soit il subit le châtiment, les supplices de la tombe, soit il est dans les délices. Et avant d'être comblé des délices de la tombe, il doit répondre aux questions des deux anges. Qui est ton Seigneur? Qui est ton prophète? C'est quoi ta religion? Celui qui fait partie des gens du bonheur et de la piété et des vertueux, Allah le raffermit et lui facilite sa réponse et ses preuves. Il dira, mon Seigneur, c'est Allah. C'est quoi ta religion? Il dira, ma religion, c'est l'islam. C'est quoi ton prophète? Il dira, mon prophète, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On lui dira, comment tu as su cela? Il dira, j'ai lu le Coran. Et j'ai cru en ce qu'il contient, et j'ai certifié la véracité du contenu du Coran, et j'ai cru en la véracité de ce Coran. Il lui sera dit, dors heureux, tu as vécu heureux, et tu vas être ressuscité, inshallah, heureux, et il restera dans les délices du paradis, dans la tombe, jusqu'à ce qu'il rencontre son Seigneur, et la récompense découle de la nature des œuvres. Ah, regardez l'importance de la science et de connaître avec preuve les trois principes fondamentaux. Regardez à quel moment la personne, ça va lui être bénéfique. Ah, pour ça qu'il faut que notre vie soit basée sur ces trois principes fondamentaux. Pour ça que les hommes de science insistent sur le fait de les maîtriser avec leurs preuves. Et que notre vie s'accomplisse selon ces trois principes fondamentaux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la clairvoyance. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi ceux qui entendent les bonnes paroles et qui les mettent en application. Yaqulu habidahullah, wa amma al-akhar al-shaqi al-ta'is, fa'idha su'ila man rabbuk, قال ها ها لا أدري من نبيك قال ها ها لا أدري ما دينك فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فيقال له ما دريت وما تليت فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل من يليه إلا الجن والإنس فإنه لا يسمعها الثقلان فيبقى معدبا حتى يلقى الله عز وجل. Et il dit, Habibullah, quant à l'autre malheureux, quand il sera interrogé, c'est qui ton Seigneur? Il dira, ah, je ne sais pas. Qui est ton prophète? Ah, je ne sais pas. C'est quoi ta religion? Il dira, ah, je ne sais pas. J'ai entendu les gens dire quelque chose, et je l'ai dit, dites. Il lui sera dit, tu ne savais pas, et tu n'as pas lu, et il sera frappé avec une massette de fer, il criera un cri, tous ceux qui sont à côté l'entendent, sauf les djinns et les humains, ils n'entendront pas. Les humains et les djinns ne l'entendent pas, et il restera dans les supplices de la tombe jusqu'à ce qu'il rencontre Allah. Et là, cheikh, il fait allusion au hadith de Bara ibn Azib, dans lequel, sans stipuler les questions de la tombe et ce qui arrive à ceux qui ont les bonnes réponses et ce qui arrive à ceux qui n'ont pas les réponses. Et regarde ici dans la réponse de celui du malheureux, il dit, j'ai entendu les gens dire. Cela te prouve quoi? Qu'il faut que tu apprennes et que tu apprennes avec les preuves. Et que tu ne suis pas aveuglément les gens comme ça. يقول شيخنا حفظه الله ومتع به واعلموا أن عذاب القبر منه ما هو أبدي وهذا في حق الكفار والمنافقين والمشركين، أعني بالمنافقين النفاق الاعتقادي. Il dit, Hafidhahullah, et sachez qu'il y a plusieurs châtiments de la tombe. Le châtiment de la tombe éternelle qui concerne les kuffars et les hypocrites et les associateurs. Et il dit, Hafidhahullah, je veux parler des hypocrites ici, ceux qui sont dans l'hypocrisie au niveau des croyances, c'est-à-dire au niveau de l'hypocrisie majeure, celle qui sort de l'islam. L'hypocrisie de celui qui montre l'islam et qui cache la mécréance dans son cœur. Ça, c'est ceux-là subiront le châtiment éternel dans la tombe. C'est-à-dire, tout le temps où ils sont dans la tombe, ils seront châtiés. Et une deuxième forme de châtiment de la tombe qui concerne, قال حفظه الله, et والثاني مؤقت, وهذا في حق عصاة المؤمنين, عصاة أهل التوحيد, فمنهما يدوم فترة ثم ينقطع قبل يوم القيامة, وذلك لوجود حسنات اقتضت فضلا من الله أن يرفعه عنه, أو دعاء أو استغفار أو أعمال صالحة يعملها أهله بعده, ومنهما ينقطع بالقيامة بقيام الناس في المحشر, ومنهم من هؤلاء المعذبين من عصاة المؤمنين من يجمع له بين العذابين عذاب البرزخ وعذاب القيامة, فإذا عذبه لم يخلده في النار ومآله إلى الجنة. Il dit, Hafidhahullah, une deuxième forme de châtiment de la tombe qui concerne les désobéissants parmi les croyants, les désobéissants monothéistes. Certains subiront les supplices de la tombe à l'âge de temps. Il sera arrêté avant la résurrection par le biais de hasanat que le croyant avait, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé avec sa grâce et sa miséricorde, ou par le dua ou la demande de pardon, ou par des bonnes œuvres que sa descendance accomplit après lui, et fait partie de ses supplices accomplis après, et fait partie de ces supplices aussi subis par les croyants dans la tombe qui ne s'arrête que le jour de la résurrection, le jour où tout le monde sortira des tombes pour les comptes. Et il y a parmi les croyants qui subissent les supplices de la tombe, et il y a ceux qui vont subir les deux châtiments, le châtiment de la tombe dans le Berzakh et le châtiment de la résurrection, ici il est châtié, il ne restera pas éternellement dans le feu, et il terminera au paradis puisqu'il est monothéiste. Donc ici, c'est quelque chose de très important, ce passage. On voit le cheikh, il nous catalogue trois formes, trois ou quatre formes de châtiment dans le Berzakh, dans le monde intermédiaire. Des supplices de la tombe qui sont éternels pour le kuffar et les hypocrites qui sont dans l'hypocrisie majeure. Une deuxième forme de châtiment que subissent les croyants monothéistes qui ont des désobéissances. Ils subiront les supplices de la tombe à l'âge de temps. Allah subhanahu wa ta'ala les couvre avec ses saintes miséricordes et il arrête leurs supplices dans la tombe. Soit par sa miséricorde, soit par des hasanats qu'ils avaient, et tout ceci dépend de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit par les du'as ou les œuvres que leur descendance a fait après eux. Et il y a d'autres croyants dont les supplices de la tombe ne vont s'arrêter qu'au moment où tout le monde sort du tombe pour les comptes. Et il y a ceux qui vont subir les supplices dans la tombe et aussi au feu de l'enfer. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala les châtie après par le feu de l'enfer, ben ils ne resteront pas éternellement parce que ce sont des monothéismes. Quand Allah subhanahu wa ta'ala compte, ils passeront le temps que Allah subhanahu wa ta'ala a prévu pour eux en enfer, ben ils reviendront au paradis parce que ce sont des monothéistes. Et ça, c'est l'importance du monothéisme. Un jour ou l'autre, dans le delà, il sauve la personne. يقول شيخنا حفظه الله: من هنا نعلم أن أهل الإيمان أصناف. الأول صنف يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. الصنف الثاني من تعرض عليهم أعمالهم عرضا ولا يناقش. الصنف الثالث من يناقش في عمله وهذا يهلك. Notre noble cheikh nous dit, partant de là, on sait que les croyants sont plusieurs catégories. Il dit, la première catégorie, ceux qui rentreront au paradis sans subir de compte ni de châtiment. Il n'y aura pas de compte pour eux, ni de châtiment. La deuxième catégorie, ceux à qui on exposera leurs œuvres, ils ne subiront aucune discussion sur leurs œuvres. Il n'y aura pas de discussion sur leurs œuvres. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi ceux-là. La troisième catégorie, ceux qui vont subir la discussion sur leur compte. Et ceux-là, périssent. Ceux qui vont avoir des discussions sur leurs œuvres, ici, pendant leur compte, et ceux-là périssent. يقول حفظه الله ثم هؤلاء الذين لقوا الله. Donc, ce sont les croyants qui ont rencontré Allah subhanahu wa ta'ala avec des gros péchés, des péchés capitaux. Pour ça que le cheikh il dit à la fin, ثم هؤلاء الذين لقوا الله على كبائر وذنوب لم يتوبوا منها منهم من يغفر الله له بفضله ورحمته ومنهم من يعذبه مدة كما يشاء الله سبحانه وتعالى ثم مآله إلى الجنة قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Et donc il dit حفظه الله, et puis ceux-là qui ont rencontré Allah avec des péchés capitaux, desquels ils se sont pas repentis, certains Allah leur pardonne et les couvre de sa grâce et de sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Et certains subiront le châtiment à laps de temps, comme le veut subhanahu wa ta'ala. Et à la fin, ils iront au paradis. Et il a cité le verset où il est dit dans la traduction approximative, du sens du verset, Allah ne pardonne pas qu'on lui fasse d'associer, mais en deçà de ça, il pardonne à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Il pardonne à qui il veut, du moment que ce n'est pas de l'association. يقول حفظه الله وفق الله الجميع لما فيه رضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Il dit حفظه الله qu'Allah donne le succès à tous et qu'il leur facilite ce qu'il aime, ce qu'il agrée. Prière et salutation d'Allah sur notre prophète, sa famille, tous ses compagnons. Cette assise a eu lieu le 22 Sha'ban de l'an 1435 dans la ville du Médine à la mosquée Radwan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre de sa sainte miséricorde notre noble cheikh. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala allonge sa vie dans son obéissance. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse. Et vu que nous avons un peu de temps devant nous, j'en profite pour partager avec vous un passage très intéressant dans les paroles d'Ibn al-Qayyim rahimahullah dans Zad al-Ma'ad, dans le volume 2, entre la page 337 et 537 et 538. Et subhanallah al-azim, comme si Cheikh l'Islam Ibn al-Qayyim rahimahullah vient avec nous, en ce moment difficile de cette pandémie, qu'Allah le couvre de sa sainte miséricorde. Écoutez et méditez les paroles de Cheikh l'Islam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il dit, celui qui a connaissance de cet univers et de son principe, c'est que tout mal qui se produit dans sa végétation, dans son climat, dans ses animaux et dans la situation des gens, c'est quelque chose qui se produit par des causes. C'est pas quelque chose qui vient comme ça, ce sont des causes qui font que cela se produit. Il dit, habidallah, les œuvres de la descendance d'Adam et leur divergence avec les messagers alayhi salatu wassalam ne cessent de leur causer du mal général ou spécifique. Et cela leur provoque des maladies, des douleurs, des pandémies, des pestes, des sécheresses, le manque de bénédiction et du bien, Et le manque de bénédiction et du bien de la terre, le manque de sa visitation, le manque de ses fruits, la disparition ou la diminution des bienfaits de la terre successive d'une, cela successivement, l'une après l'autre, les bienfaits disparaissent et le mal apparaît. Et c'est ton savoir, il dit rahimahullah, ton savoir ne saisit pas cela. Et ton savoir ne te permet pas d'assimiler cela. Ça te suffit tout simplement de méditer la parole d'Allah, où il y dit, دهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Hein? Le verset nous dit ceci dans la traduction approximative du sens du verset. Le mal, c'est-à-dire les pandémies, les sécheresses, etc., les inondations et tout, le mal est apparu sur terre et dans les mers à cause de la désobéissance des gens et leurs mauvaises œuvres. Il dit Habidallah et observe la situation du monde à partir de ce verset. Observe la situation du monde et de l'univers à partir de ce verset et concorde entre ce verset et ce qui se passe. Alors que tu vois à différents moments, et à différentes périodes, et à différents moments, la défectuosité des cultures, de la végétation, des fruits, les catastrophes que subissent les animaux, et comment ces défectuosités provoquent d'autres qui s'enchaînent les unes derrière les autres. Chaque fois que les gens commettent des injustices et des perversités, Allah Azza wa Jal leur crée des défectuosités dans leur nourriture, dans leurs fruits, dans leur climat, dans leur corps, dans leur aspect, dans leur comportement. Et ces défectuosités sont conformes à leurs œuvres et à leur injustice et à leur perversité. Et il dit, Habidallah, écoutez cela, les grains de blé étaient plus grands que celles d'aujourd'hui. Et la bénédiction était plus importante et plus immense que celle d'aujourd'hui. Et il dit l'imam Ahmed, rahimahullah, rapporte dans son musnad, avec sa chaîne de transmission, qu'il a trouvé dans les réserves des Umayyades. Il a vécu à l'époque abbasside, rahimahullah, la dynastie juste après les Umayyades. Et donc l'imam Ahmed rapporte avec sa chaîne de transmission qu'il a trouvé dans les réserves des Omeyyades, un sac qui contenait du blé dont les grains sont de la taille d'un noyau de date. Les grains de blé à cette époque étaient de la taille d'un noyau de date. Et il y avait une écriture sur le sac. Il était marqué sur le sac, ceci poussait à l'époque de la justice et de l'équité. Allahu Akbar. Et cette histoire, l'imam Ahmed l'a relatée dans son musnad à la suite d'un hadith. Et l'imam Ibn al-Qayyim continue de dire, la plus grande partie de ces catastrophes et de ces pandémies, ce ne sont que le reste des châtiments subis par les communautés précédentes. Ce qui en reste est destiné à ceux qui font les mêmes mauvaises œuvres qu'eux. Et cela est un statut juste. Et un décret équitable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attiré l'attention sur cela en disant, dans un hadith, parlant de la peste, il dit, c'est le reste d'un châtiment qui a été envoyé sur Banu Israël. Ibn al-Qayyim dit, et Allah a envoyé le vent comme châtiment sur le peuple de Had pendant 7 nuits et 8 jours. Et il en a gardé pour le faire subir à ceux qui leur sont similaires. Méditez, regardez ce qui se passe par moments avec des vents violents qui dévastent tout dans certaines parties, de certains pays dits grandes puissances. Ad s'inorgueillir de sa puissance. Et regardez certains pays qui se disent, une grande puissance, etc. Regardez ce qu'ils subissent à des moments avec des vents violents qui détruisent tout. Il dit, Habidahullah, et ceci ne sont que des leçons et des exhortations. Dire tous ces catastrophes, tout ce que Allah a fait subir, ce ne sont que des leçons et des exhortations pour que les gens reviennent vers Allah. Il dit, Habidahullah, Allah Azza wa Jal a fait que les actes des pieux et les actes des pervers ont un impact sur cet univers. Et il a fait, subhanahu wa ta'ala, du fait de ne pas être bon avec autrui, et de ne pas s'acquitter de la zakat et de l'aumône, une cause pour ne pas descendre la pluie, une cause pour la sécheresse. Et il a fait qu'être injuste avec les pauvres et le fait de tricher dans les poids et dans les mesures et dans le fait d'écraser, que le faible écrase, que le faible soit écrasé par le plus fort, une cause d'avoir des rois et des gouverneurs qui sont sans pitié et injustes. Et il dit, Habidahullah, en réalité, tout cela, ce ne sont que les actes des serviteurs qui apparaissent dans le comportement de leur gouverneur. Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait les choses à la perfection, et qui n'a pas d'égal dans l'équité et la justice, fait apparaître aux gens leurs œuvres dans des aspects qui conviennent à celles-ci. Des fois par la sécheresse, des fois par un ennemi qui les écrase, des fois par un gouverneur injuste, des fois par des épidémies, des fois par des douleurs et des soucis qui ne les quittent pas. Et des fois, par le fait d'arrêter les bienfaits du ciel pour la terre, le manque de pluie. Et des fois, en laissant Shayatin s'accaparer d'eux, et de les pousser, de les encourager à accomplir les œuvres duquel découle le châtiment, pour que s'accomplisse l'ordre d'Allah, et que chacun accomplisse les œuvres pour lesquelles il a été créé. Et il dit, Habidahullah, Rahimahullah, celui qui est doué de raison saine observe ce qui se passe dans le monde et il remarque tout cela et voit la justice et l'équité et la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il lui apparaît clairement que les messagers et leurs disciples sont sur le chemin du salut et du succès et que toutes les créatures en dehors de leur chemin, c'est-à-dire en dehors du chemin des messagers, vont à leur perte et vont vers la demeure du supplice et de la destruction. Ce qu'Allah a décrété s'accomplira. Personne ne peut empêcher ce qu'il a décrété, subhanahu wa ta'ala. Fin de citation des paroles d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Méditez, frères en Allah, subhanahu wa ta'ala, cela. Méditez cela dans cette pandémie qu'on vit actuellement. Regardez, faibles et puissants sont dans l'incapacité de faire face à une petite créature qui ne se voit même pas à l'œil nu. Hein? Et tout ceci, regardez, la débauche qui a pignon sur rue, regardez l'injustice et regardez tout ce qui se passe autour de nous. Regardez comment les gens agissent entre eux et vis-à-vis de qui sont moins qu'eux, ou qui sont plus faibles qu'eux. Regardez tout cela et méditez les paroles d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Et c'est seul Allah, subhanahu wa ta'ala, qui donne la réussite. Rahimallah, Cheikh al-Islam, Ibn al-Qayyim. C'est comme il vit avec nous, cette pandémie. Face à Allah al-Azim, رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وسألوه سبحانه وتعالى أن يرفع عن المسلمين هذا الوباء سألوه سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وعن المسلمين أجمعين سألوه سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه فله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى ما يحب ويرضاه